Dossier 2, livre page 22. Tout d'abord, je recueille la pâte de verre en fusion à l'extrémité d'une canne creuse dans laquelle je souffle de l'air. Puis, je modèle la forme finale. Une boule de verre en fusion sur laquelle j'applique la couleur pendant que je roule cette boule dans des poudres, grains et plaques de verre colorées avec des oxydes métalliques. J'invente ensuite le décor et les motifs. Enfin, en même temps que je mélange les teintes, je forme les extrémités avec une petite pince.